indemnisés par l'agence de location. La mission numéro 2 concerne Maëva, 19 ans. Ah, mais il n'y a pas. Donc je vais le faire, c'est pas grave. Bonjour Julien, j'ai travaillé en tant qu'agent de nettoyage durant un grand événement sportif. Eh ben j'attends toujours qu'on me règle mon salaire et qu'on fournisse tous les documents administratifs. Je profite de ce petit message pour vous dire que je vous trouve très sensuel, Julien. Mais éventuellement, je passerai bien un week-end avec vous. Oh, écoutez, qu'est-ce que c'est que ces messages? Alors Alain Hazard, expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y a pas de petit message de Maëva? Parce qu'il arrive, Julien, qu'on a effectivement des cas express. On a reçu Maëva et donc on n'a pas eu le temps de faire une bande-son, tout simplement. Et prévenir un petit peu vos coéquipiers, ça n'a pas... Qu'on ait un esprit d'équipe, qu'on communique. Julien, il est juste écrit sur la conduite, cas express, c'est marqué. Oui. D'accord, merci. Allez, il est d'une mauvaise foi, ça. Franchement, mais enfin, vous savez ce que c'est. Il y a ce fameux 1% d'employés qu'on est obligé de prendre car ils ont des difficultés à s'insérer. Nous allons donc maintenant vous présenter l'équipe. C'est parti. Il y a Blanche de Grandvilliers, avocate jockey, qui est avec nous. Bonjour Julien. Mais qui aujourd'hui a réussi à venir avec son cheval qui est au parking. J'ai garé mon scooter juste à côté. Il y a Maître Fellonneau. Bonjour qui est là. À tous. Aujourd'hui, il y a une double négociation, Bernard et Hervé. Bonjour Julien. Charlotte est au standard. Bonjour Julien. On y va. Vous écoutez l'émission la plus écoutée de France. Merci de votre fidélité. C'est RTL, bien sûr. Votre radio préférée qui vous invite à téléphoner au 3210 ou bien à nous envoyer un message. Facebook, la page, ça peut vous arriver. Si tu te fais arnaquer, pas la peine de paniquer. Faut appeler Julien Courbet. Il y aura un coup de gueule de Bernard dans quelques instants, notre spécialiste voyage. Car vous allez voir ce que Joël va nous raconter ce matin. Joël qui est en ligne avec nous en direct sur RTL. Bonjour Joël. Bonjour Julien. Joël, en décembre dernier, vous partez avec votre famille en Grèce, c'est ça? Racontez-moi. Tout à fait, Julien. Nous partons avec toute la famille en Grèce. Nous avions acheté nos billets, réservé notre voiture dans une agence de voyage. Et en arrivant à Athènes, on nous conseille de prendre, en réservant la voiture, on nous conseille de prendre une assurance complémentaire, tout risque et vol des effets personnels, ce que nous prenons. Et après un agréable voyage pendant 6 jours, le dernier soir, malheureusement, notre voiture a été vandalisée et tous nos bagages ont disparu. Soit 9 sacs à dos et une valise commune. Et alors, depuis, normalement, c'est ça. Ce que je voulais vous dire, c'est garanti, c'est assuré? C'est assuré par l'agence de location de véhicules où c'est écrit noir sur blanc, vol des effets personnels. Alors, je me tourne tout de suite vers Bernard Sabat, qui a l'habitude. Bernard, est-ce qu'effectivement, si je suis à l'étranger, que je me fais vandaliser, il a dû cocher la bonne case. Est-ce qu'on lui rembourse, et évidemment, les dégradations sur la voiture, mais les effets personnels? Logiquement, oui, Julien. Mais le problème, c'est que le contrat qu'il avait signé en France, sur le principe, était en français. Et là, quand il est arrivé en Grèce, c'était en anglais. Et évidemment, dans ce contrat en anglais, il y avait des choses qui étaient exclues. En l'occurrence, il l'a signé où? En France ou en Grèce? Alors, il a signé une location de voiture en France. Ouais. D'accord. Il est arrivé en Grèce au comptoir donc de la marque en question. Ouais. Et puis évidemment, dans ce contrat-là, il a signé. On lui fait poser des cases pour des assurances complémentaires. On lui a refait signer un deuxième truc. Voilà, mais exactement. Et on ça lui a... nous arrive à tous. Ah, ça nous arrive à tous, hein, Julien. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais on vous fait cocher des choses où on vous fait payer des suppléments mais et parfois. Ça, je suis d'accord. Quand on arrive à un guichet, mais on ne m'a jamais fait faire remplir deux fois, une fois en France, une fois à l'étranger, Céline. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en France, il a réservé via une agence de voyage une voiture de location. Et là-bas, et une fois arrivé en Grèce au comptoir pour récupérer la voiture, il a pris en plus une assurance. Donc là, du coup, il n'a pas coché les bonnes cases? Alors, il a coché les bonnes cases. Il a coché effectivement qu'il voulait prendre cette assurance. Ça lui a même coûté 39 euros supplémentaires, ce qui lui permettait de garantir le vol de ses effets personnels à l'intérieur du véhicule loué. Donc, il pensait que tout allait bien. Mais une fois que le vol est survenu, eh bien, il y a silence radio entre aujourd'hui, la France et la Grèce. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit exactement, Joël? Est-ce que on ne vous dit rien, tout simplement, ou est-ce qu'on vous dit non, on ne va pas vous rembourser? Eh bien, je suis un petit peu devant un mur, hein, parce que j'ai l'impression qu'on a envie de noyer le poisson, entre guillemets. Mais qu'est-ce qu'on vous dit exactement, Joël? Comment? Qu'est-ce que l'on vous dit exactement? En fait, moi, l'interlocutrice que j'ai, c'est l'agence de voyage. Joël, j'ai un nunchaku dans la main droite, là. Je te promets. Je viens et je te fracasse. Non, Joël. Écoutez-moi bien, je plaisante, Joël. Joël, est-ce que quand vous appelez, on vous dit « Monsieur, on ne peut pas s'occuper de vous » Est-ce qu'on vous dit « Monsieur, on ne vous remboursera pas » Est-ce qu'on vous dit « C'est en attente » Dites-moi juste ce qu'on vous dit. Eh bien, que c'est en attente. Voilà. Ok, j'ai compris, Joël, donc nous allons appeler. Et ce n'est pas normal qu'on vous réponde que c'est en attente. À un moment donné, il faut une réponse claire. Bernard Sabat, coup de gueule, je crois, on y va. Exactement. Tout de suite sur RTL, un coup de gueule. Alors on a un vrai souci, Julien, lorsqu'on remplit des contrats justement de location de voiture. Ils sont évidemment, quand on voyage à l'étranger, en anglais, on ne comprend pas tout, et il y a même un forcing de la part des commerciaux qui sont au comptoir, parce qu'évidemment ils sont commissionnés sur toutes les assurances complémentaires qu'ils vous donnent. Et malheureusement, il y a souvent des exclusions dans ces contrats. C'est ce qu'a dit notre auditeur. Et je pense que c'est pas normal qu'on laisse les choses comme ça. Moi, j'aimerais tout simplement, et je le dis aux loueurs de voitures et aux agences de voyage, demander à ce que ce contrat-là soit traduit en français le jour de la signature sur place. Que chaque agence, je pense que ça doit pas être insurmontable, que chaque agence à l'étranger ait le fascicule en français, voire même sur... J'étais dans une agence ou une voiture, maintenant en plus, on n'utilise plus de papier. Je trouve ça formidable. Exactement. Écoutez, je ne sais plus, je ne veux pas dire de bêtises, je me demande si ce n'était pas à vis d'ailleurs. Voilà, maintenant c'est sur un iPad, et vous signez avec le doigt, donc plus d'utilisation de papier, donc c'est très facile d'avoir toutes les langues. En français, s'il vous plaît. Voilà, en français quand on est en France. Pour le client qui est français. Oui, enfin bon, écoutez, franchement, des fois Bernard, je crois que vous, c'est pas en français, vous allez aller faire l'émission l'année prochaine, je vous dis tout de suite. Alors nous allons, si vous le voulez bien aider mon Joël, ne vous inquiétez pas, on va voir ce qu'on peut obtenir. Il y en a quand même pour combien? Parce que on a quand même oublié le principal, Joël, le préjudice est de... 7 700 euros. Vous avez bien les factures de tout ce qui a disparu? J'ai les factures de tout ce qui a disparu. C'est parfait. Et on n'a pas eu de facture de tout ce qui est disparu parce qu'on avait acheté des cadeaux sur place, etc. Et on n'a pas pu avoir tout, mais bon, on a présenté 7 700 euros de facture. Ça marche. Bernard, alors, dernier mot. Dernier mot, Julien, c'est important. On ne peut pas avoir le remboursement total ou global de tous les frais. Oui. Il y a des plafonds, malheureusement. Bien sûr. Ça, il faudra le vérifier avec la compagnie, en l'occurrence, de location de voiture. C'est pour ça qu'on est à 6 000 euros à peu près. Exactement. Yeah. Bon, une dernière question, Joël. Quand vous avez été en Grèce, néanmoins, vous avez quand même pu passer de bonnes vacances à part ça? Tout à fait, bon. Tout à fait. Très agréable séjour et nous étions tous satisfaits. Et est-ce que vous avez rencontré Nikos? Parce que tout le monde cherche à le voir là-bas. Non mais vous l'avez vu ou pas? Non. Ah, mais bon, moi il m'est arrivé d'aller en Grèce et je suis tombé sur lui, sur la plage, et il répète ses textes. L'émotion de cette chanson a touché au cœur le jury. Par et les gens le prennent en photo comme ça, c'est incroyable. On l'embrasse, Nikos. On se retrouve dans une seconde, bien sûr, pour essayer de régler le problème de Joël, et on attaquera Maëva. Et oui, Maëva, c'est une petite jeune de 19 ans qui a travaillé en tant qu'agent de nettoyage pour un grand événement que vous connaissez bien d'ailleurs, Julien. Elle attend d'être payée de plus de 800 euros. Et vous allez voir que c'est pas normal, il s'est passé des choses avec cette jeune fille. Elle n'a pas été payée, elle a bossé, c'est pas bien. Vous faites partie de la famille RTL, à tout de suite. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Ça y est, l'été est là. De nombreux Français vont se rendre en voiture ou en moto sur leur lieu de villégiature. Les bons réflexes à adopter sur la route des vacances, c'est cet après-midi de 15h à 16h dans On est fait pour s'entendre sur RTL. Chérie, ça t'ennuie si j'essaie ces 5 robes? C'est-à-dire que... Voilà, c'est fait. Je prends celle-là. Les essais, c'est toujours mieux quand c'est efficace. Pendant les Alpha Days, profitez d'offres exceptionnelles. Bénéficiez en plus d'une prime à l'essai allant jusqu'à 1000 euros et repartez immédiatement au volant de votre Alfa Romeo. Ceux qui n'aiment pas attendre vont adorer. Offre valable pendant les Alpha Days, les jours Alpha, du 26 juin au 20 juillet sur modèle identifié en stock disponible avec délai de livraison. Détails sur alfaromeo.fr. Messieurs, nous atteignons le pays des pourcentages. Oh, quelle chance vous avez! Un énorme pourcentage de réduction vient vers nous! Oh, beau spécimen! C'est un moins 55%, une espèce rare. Jusqu'au 16 juillet chez SFR, profitez des réductions exceptionnelles du shopping d'été, comme moins 55% sur le forfait Power 50 Go à 10 euros par mois pendant un an au lieu de 24 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine, réservée aux nouvelles souscriptions. Prix clé en box sans mobile avec engagement 12 mois. Intermarché vous propose d'écouter 11,99€. Bon, qui achète quoi pour samedi soir? Je prends le champagne. On est nombreux quand même. Écoute, ça me fait plaisir. En ce moment, chez Intermarché, la bouteille de champagne brut Montaudon QVM est à moins 50%, soit 11,99€. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Bouteille de 75 centilitres, soit 15,99€ le litre, jusqu'au 15 juillet. Modalité magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et nous sommes sur le cas de Joël qui a eu des problèmes avec sa voiture. Oui, il est parti en vacances avec toute sa famille en Grèce. Ils ont loué une voiture de location. Malheureusement, sur place, ils ont été vandalisés. Il y en aurait pour plus de 7 000 euros. Ils ont une assurance et pourtant, impossible de se faire indemniser. Donc nous appelons en France, Bernard, alors, c'est le plus simple. Oui, l'agence de voyage, simplement, qui a vendu cette notion de forfait, d'accord, avion, plus hôtel et location de voiture. Eh bien, c'est parfait. Nous appelons donc l'agence de voyage, s'il vous plaît, Charlotte, qui se trouve dans le 79, très exactement, où ça devrait sonner d'une seconde à l'autre. J'espère qu'il n'ouvre pas à 10 heures. Normalement, nous vérifions. Sabrina, bonjour. Bonjour, Sabrina. Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Sabrina, ce n'est pas une blague. Je suis avec votre client, Joël Nerbusson. Est-ce que vous voyez de qui il s'agit ou pas du tout? Bon. Tout à fait. Qui a des petits soucis avec son loueur de voiture. On voulait juste se faire confirmer qu'il avait bien pris une assurance avec la dégradation et le vol d'affaires privées. Alors, il a, voilà, c'est marqué sur le contrat, effectivement. Le litige que j'ai avec eux, en fait, c'est que Avis France se dédouane du fait que c'est une assurance souscrite en Grèce, donc c'est censé être sur les conditions d'application. Sabrina, grecque. Juste pour bien comprendre, oui. Vous, dans votre agence, il signe pour une location de voiture dans laquelle il dit « si jamais on me vole mes affaires, je vais être remboursé », et quand il arrive en Grèce, on lui fait re-signer quelque chose dans lequel ça disparaît, en fait, c'est ça? Ah non. L'assurance, il ne l'a pas souscrite à l'agence. Il l'a souscrite sur place à son arrivée, en fait. D'accord. Et c'est sur ça que chez Avis, il nous pose des soucis. Mais s'il l'a signé, pourquoi il vous pose des soucis? Et parce qu'en fait, les Grecs me répondent qu'en fait, dans leur clause à eux, les effets personnels ne sont pas pris en charge. C'est-à-dire que la traduction du contrat qu'ils ont eu en français n'est pas correcte. Et ils se cachent derrière. Donc, ça. Donc, sur le contrat français, là, d'accord, il est stipulé que les effets personnels sont remboursés, mais celui qui a traduit, visiblement, les a fait disparaître. Si je résume la situation. Celui qui a traduit... Non, c'est-à-dire que sur le contrat grec, ça n'apparaît plus. Sur le contrat... Bah alors, je ne sais pas lire le grec. Mais apparemment, de ce qu'il me dit, c'est ça. Et ça, c'est absolument... Donc, en fait... Appelez Nikos, il va nous aider. Bon, on va appeler Avis, hein, si vous le voulez bien. Merci, madame, on voulait en savoir plus. Vous avez une question à poser, maître Fellonoa, oui, madame. Oui, effectivement. Moi, je voulais vérifier avec vous. C'est bien, oui. Donc, le contrat souscrit par une grande assurance qui précise bien, qui définit même la notion de bagage personnel. C'est tout, sauf les papiers, les billets d'avion, oui, et les lunettes. Donc, c'est sur cette base-là, si vous voulez, que lui a fait confiance quand il arrive. Parce que les gens ne sont pas idiots, mais ils ne peuvent pas apprendre la langue du pays où ils sont. Donc, effectivement, ils ont une idée de l'assurance qu'ils vont souscrire et on leur en fourgue une autre. D'accord. Non, ça ne va pas ça. Mais madame, elle est liée pour rien puisque c'est là-bas que ça a été signé. Je suis d'accord. Oui. Mais est-ce qu'il y a une responsabilité de la... Allez-y, Bernard. Évidemment, elle est pour rien, Sabrina. Le problème, c'est qu'elle est responsable au vu de la loi. Ah. Ça veut dire que comme c'est un forfait, avion, hôtel, location de voiture, Sabrina doit défendre son client. Je sais qu'elle le fait. Mais il faut qu'on aille plus loin avec Sabrina. Alors, nous allons nous appeler Avis. On va garder Sabrina au chaud, la rappeler. On va la laisser aller travailler. Puis on va voir comment ce que nous dit Avis. D'accord, Sabrina. Alors, par contre, j'ai contacté M. Nerbusson à deux reprises, semaine dernière et cette semaine, pour qu'il me fasse passer des justificatifs qu'Avis me demande, puisque moi, j'ai demandé au service juridique de Selectour, auquel on est affilié, de m'aider dans ce problème-là, parce que ça traîne et c'est stressant. Monsieur Nerbusson ne m'a pas répondu. Alors maintenant, je comprends. C'est peut-être parce qu'il est non, en pas du tout, vous, pas du tout, du tout. Je vais lui demander, Joël, pourquoi vous n'avez pas envoyé les justificatifs. Mais je pense qu'il les avait déjà. Mais apparemment, alors, non. Comme je lui disais, je les avais envoyés à l'assurance. Ah oui. Quand il me les envoyait fin janvier. Bon, Joël, est-ce que ça vous ennuie de les renvoyer? Ah non, c'est pas gênant. Je les ai sous les yeux, je peux les renvoyer. Préparez-les, renvoyez-les, voilà. Pendant ce temps-là, on a Avis. Sabrina, je vous rappelle dès que j'ai eu Avis, d'accord? D'accord. C'est très gentil à vous, bonne journée. Donc, dans une seconde, vous me préparez, vous pouvez commencer à franchir les différents barrages, puisque nous allons appeler le siège et nous allons essayer d'en savoir plus en attendant le deuxième cas, celui de Maëva. Mais là, si vous le voulez bien, nous allons nous régaler. Qu'est-ce qu'on pourrait s'écouter? Tenez, mettez-moi le début, je vais bien voir. Chris. C'est Chris. Chris. Avant, c'était Christina and the Queen. Maintenant, c'est Chris. Vous devriez vous appeler comme ça, vous, Hervé Pouchol. C'est vrai. Plutôt que Hervé Pouchol, ça fait pas très sexy. C'est Chris. Ouais, c'est pas bon. Dorénavant, vous serez Pouch. Et vous, Bernard Sabat, vous serez Sab. Sab, ouais. Non, pas Sab, c'est une cocotte minute. Et maintenant que le blouson tout mon corps me pique. C'est la salaison. Quand ils l'ont de leurs bras, elle rit de bonté. Tic tic tac, ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse portera ma mâchoire. Plus je convoite et moins je suis belle à voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. T'appuies au hasard pour la faire jouir. Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux? T'aimes, dis-moi comment mieux. Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux? T'aimes, dis-moi comment mieux. Toucher, toucher. Je suis allée noyer ma faim puisque c'est elle qui t'a plu. Pour Stella qui sera mes amours dessus. Dans le noyau des villes, ils m'interpellent depuis leur cul. T'es qui de la monnaie pas défendue. Revenu au matin pleine de sueur. Mon corps menti entre les bras du passeur. Accroupi, laissé toute l'âme tragique. T'es qui pour me traiter toi. Down. Dis-moi, c'est son tout nouveau titre et premier extrait du deuxième album de Chris qui sortira à la rentrée. N'oubliez pas, si vous allez l'acheter, demandez bien l'album de Chris. C'est comme ça qu'il faut le faire. Ben oui, remettez le début. Écoutez bien, maintenant elle ne veut plus s'appeler Christine Le Queen et elle veut qu'on s'appelle, elle le dit, Chris. Chris. Voilà. Nous allons accueillir Maëva. Bonjour Maëva. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Vous êtes dans quelle région, Maëva? Châteauroux. Très bien. Maëva de Châteauroux dans le centre. Vous allez raconter maintenant aux auditeurs d'RTL votre mésaventure qui est quand même une belle injustice blanche puisqu'on l'a fait travailler et on ne la paie pas. Expliquez-nous. Alors, j'ai été embauchée par une société de nettoyage, donc pour un job étudiant. Mon contrat prévoyait un poste d'agent de nettoyage, du coup, durant un grand événement sportif. Donc après une semaine en tant qu'agent de nettoyage, suite à des démissions dans le service administratif, mon employeur m'a affecté à ses services. Donc au départ, vous faites du nettoyage, Maëva, puis du jour au lendemain, on vous a dit vous cessez le nettoyage et vous allez avoir un boulot administratif. Oui, suite à des démissions. D'accord, sans changement de contrat, de salaire. Voilà, bon. On n'a pas changé mon contrat. Et d'ailleurs, le contrat que j'ai signé environ 4-5 jours après mon embauche. D'accord, et au bout du compte, vous terminez votre mission. Ouais. Et vous attendez votre argent. Voilà. Et là, on ne vous donne rien. Non, rien du tout. Mais alors, quand encore une fois, c'est toujours la même question. Je suppose que vous appelez, vous vous déplacez, vous dites « Attendez, j'ai travaillé, vous m'avez en plus changé de boulot, je ne suis pas payé. » Qu'est-ce qu'on vous répond? La dernière fois qu'elle m'a répondu, donc elle m'a dit qu'il y avait un bug informatique et que c'était de la faute de l'expert comptable. Un bug informatique. Alors, quand on commence à sortir des trucs comme ça, de bug informatique, et rejeter la faute sur son expert comptable, c'est que ça sent pas bon l'histoire. Maëva, nous allons nous en occuper. Il y aura une explication de JB, le décryptage juridique de Blanche de Grandvilliers, une danse de Hervé Pouchol qui n'amènera rien, mais qui va nous détendre un peu. Bref, tout ceci sur l'antenne d'RTL dans quelques instants, dans le 9h30-11h, où vous voyez, on peut très bien faire différentes choses du moment qu'on est efficace. Tiens, et si nous partions à Copacabana, Maître Felono. Ah, oui. On serait pas bien là tous les deux sur la plage. Ah, je m'y vois. Le Leclerc. Papa, tu fais quoi là? Une petite partie en solo de Crash Bandicoot sur ma nouvelle console Nintendo Switch. Je le crois pas. Du 3 au 14 juillet, l'ensemble console Nintendo Switch et jeux Crash Bandicoot est à 321,94€ chez Leclerc, dont 60 centimes d'éco-participation. La console vendue seule est à 292,49€, dont 60 centimes d'éco-participation. Et le jeu vendu seul est à 29,45€, dans la limite des stocks disponibles, voire modalité dans les magasins participants et sur www.culture.leclerc. On se fait une petite partie? Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Quand les experts Peugeot entretiennent votre véhicule, ils entretiennent aussi votre sérénité. Partez tranquille en vacances ou en week-end. Ils interviendront en cas d'imprévu pour vous aider à rejoindre votre destination. En leur confiant votre révision, vous bénéficiez gratuitement du service Peugeot Assistance Panne et Accident. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr. La révision est à partir de 99€ pour les véhicules de 4 ans et plus. Voir conditions en ligne. Savez-vous que près de 70% de l'eau sur la planète est utilisée pour arroser des plantes? Et que vous pouvez économiser jusqu'à 50% d'eau sans effort? Avec le système d'arrosage Aqualon, chaque goutte d'eau sera ainsi utilisée au maximum de son potentiel. Agissant positivement sur le climat, Aqualon a été élu prix du public au trophée My Positive Impact 2018. En partenariat avec RTL. Disponible dès maintenant sur www.aqualon.net. Avec Auchan, les bons plans s'invitent chez vous. Les enfants sont attendus par maman dans l'entrée avec leurs anciens sacs écartables pour aller chez Auchan. Jusqu'au 31 juillet, Auchan s'engage aux côtés de la société coopérative Le Relais pour offrir une seconde vie à tous les cartables. Vous aussi, rapportez vos anciens cartables et repartez avec un bon de réduction de 20€ à valoir sur la maroquinerie et les fournitures scolaires. Allez, allez, on se dépêche pour faire une bonne action et des économies. Avec Auchan, c'est toujours la saison des bons plans. Voir conditions en magasin. Cet été, embarquez pour l'île au secret avec Michel Bussy. Découvrez son nouveau roman, Sans famille. Pour le magazine Elle, un pitch insensé, des personnages touchants et un dénouement génial. Pour Grazia, un diabolique jeu de piste. Sans famille, le roman de l'été. Sans famille de Michel Bussy ou Presse de la Cité. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Nous lançons l'appel pour Maëva. Nous reviendrons tout à l'heure sur le cas de la location. Mais là, avant de le lancer, pardon, je suis désolé Charlotte, coupé. Je voudrais juste un petit point d'information avec JB qui a traité ce dossier, le décryptage de Blanche. Oui Julien, alors, il faut savoir que Maëva n'est pas toute seule à avoir des soucis avec cette société puisqu'elle nous a fourni des informations concernant d'autres employés. J'ai pu avoir ces employés en ligne et... L'une de ses employées, ex-employée, qui s'appelle Mathilde, pourrait être avec nous. Et à partir de 10h10, elle pourra nous expliquer un petit peu quelques désagréments qu'elle a eus, des petites choses qu'elle a pu voir aussi. Vous verrez, c'est édifiant. D'accord. Alors, votre analyse Blanche, déjà, que dit la loi? On doit être payé, il doit y avoir un seuil de tolérance pour payer avec du retard. Mais... Ah ben, c'est la fin du mois, donc ça fait longtemps qu'il est passé, puisqu'elle aurait dû être payée le 10 juin. C'était très précis puisque c'est un contrat à durée déterminée. Maëva a fait tout ce qu'il fallait, des courriers recommandés. Maintenant, si ça n'aboutit pas, vitesse supérieure. Deuxième point, est-ce qu'on peut comme ça dire à une étudiante votre rôle sera de faire du nettoyage, job d'été, et puis tout d'un coup, non, finalement on va vous mettre dans les bureaux, etc. Est-ce que ça on a le droit de le faire, pourquoi pas, ou est-ce qu'il faut changer du coup le contrat? On a le droit de le faire, mais évidemment il faut changer le contrat. On a le droit de le faire avec l'accord de la salariée. Là, elle était d'accord, parfait. Mais effectivement il faudrait que le contrat soit modifié. Ils vous doivent combien exactement, Maëva? Le total? Ah oui, oui, parce que si on fait un petit bout, c'est pas rigolo. Ce qu'ils vous doivent? Entre 800 et 900. Vous savez pas exactement, 850, non, d'accord. Non, je sais pas. Ok, ouais, on y va, c'est parti, on appelle tout de suite la société et nous allons voir ce que va nous dire cette société qui, j'espère, existe encore. Allô? Ah, j'ai pas entendu. J'ai cru que quelqu'un disait allô. C'est parti, nous partons du côté... Mais nous sommes à Paris, hein, pas très loin, je crois. Ça n'a pas l'air de répondre sur un premier numéro. Nous en avons un deuxième. Vous êtes bien sur le répondeur. D'accord, au top. Et deuxième numéro, c'est une grosse société, Maëva? Non, une petite. Deuxième société, deuxième numéro, pardon, ça ne marche pas. On a un portable maintenant. C'est parti. De votre supérieur. Alors, nous allons voir ce que ça va donner. Bon, on est peut-être encore à temps de lancer un duplex s'il le faut. On va essayer non-stop d'appeler cette société. Mais j'ai peur, Maëva, que ce que va nous dire JB tout à l'heure me laisse croire que la société n'est peut-être plus en activité ou semblerait contient trop de messages. Avoir de grosses difficultés, on est d'accord, JB ? Alors, la société est effectivement en activité. Moi, j'ai vérifié, donc elle continue d'exercer. Maëva, d'ailleurs, apparemment, a eu des personnes ces deux derniers jours. Bon, j'ai essayé tout à l'heure, j'ai eu personne aussi, pour rien vous cacher. Maintenant, peut-être d'un jour sur l'autre, il y a peut-être eu des changements. Mais... On va lancer le porte-voix dans quelques instants, mais auparavant, j'aimerais qu'on réessaye. Un dernier mot, Blanche ? Oui, on pourrait peut-être contacter l'événement sportif qui a fait appel à cette société, qui a aidé, qui pourrait avoir des informations. Et par ailleurs, dernière petite chose, sur le Cabis, il est indiqué qu'elle a entre 20 et 50 salariés. Donc, c'est pas une si petite entreprise que cela. Essayez d'avoir, avant de mettre le feu et de remonter là-haut, essayons quand même, ils sont peut-être tout simplement en rendez-vous, de les appeler et d'avoir quelqu'un là-bas et puis je sortirai le porte-voix. On avance là-dessus. En ce qui concerne le premier cas, rappelez-nous s'il vous plaît, Céline, les tenants et les aboutissants. Eh bien, c'est Joël qui est parti en vacances avec sa famille. Ils sont partis en Grèce. Ils ont réservé sur place une voiture avec une assurance pour cette voiture. Le problème, c'est que la voiture a été vandalisée et depuis, impossible de se faire rembourser de plus de 7000 euros. Ils étaient partis en Grèce pour prendre des photos de Nikos et ils ne l'ont pas vu en plus. Est-ce que l'on a pu avoir avis ? Alors Bernard Sabat est en train d'essayer de les joindre. Bernard ? Je suis avec la direction Julien, on demande des éléments pour avoir les références exactes de ce dossier. Alors si jamais, Joël, je vous l'assure, et on fera une vidéo que l'on mettra sur Facebook, la page, ça peut vous arriver si nous arrivons ce matin à régler ce problème. Nous danserons pour vous le Sertaki, Joël. La voiture, elle est toute cassée. À l'intérieur, il y avait les cadeaux. Il y avait le pognon, l'appareil photo, le maillot de ta mère, le chien de ton père. Bref, on verra, on fera une petite liste de tout ce qu'il y avait à l'intérieur. On se retrouve dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Nous enchaînerons les cas, s'il vous plaît. Oui, on parlera de Sandrine. Et souvenez-vous, sa boîte mail professionnelle était saturée. Un site internet lui envoyait plus de 10 000 mails par jour. A tout de suite sur RTL. C'est quoi cette bouteille verte, papy ? Ça, c'est la nouvelle bouteille de gaz BioTwinny de Primagaz. Je pense à ton avenir tout en cuisinant mes brochettes au barbecue. Ah, c'est pour ça qu'on dit refaire le monde autour d'une bonne bouteille, alors ? Exactement. BioTwinny, une exclusivité Primagaz Next dans votre point de vente habituel. Informations et conditions de l'offre sur primagaz.fr. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Bravo les Bleus. Pour fêter leur beau parcours, chaque jour de match des Bleus, le PMU met en jeu une super tirelire des Bleus de 5 millions d'euros sur la course du Quintet Plus. Oui, 5 millions d'euros sur la course du Quintet Plus. Alors à vous de jouer. PMU, partenaire majeur de l'équipe de France. Voir conditions dans les points de vente PMU. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Chérie, c'est l'été 100% remboursé chez Bricorama. L'été 100% remboursé chez Bricorama ? Oui ! Jusqu'au 22 juillet, un produit est remboursé en bon d'achat, des 100 euros d'achat sur une sélection d'articles. Un ventilateur 100% remboursé ? Ou la peinture pour le salon ? Allez, on fonce chez Bricorama. Bricorama, entre nous, une même passion. Produit en quantité limitée, voir conditions en magasin et sur bricorama.fr. Alerte, forte chaleur, tous à votre bouteille de Saint-Yor. En buvant Saint-Yor quand il fait très chaud, vous faites le bon choix pour vous hydrater. Grâce à sa richesse exceptionnelle en minéraux, Saint-Yor est l'eau idéale pour votre corps pendant l'été. Avec Saint-Yor cet été, ça va fort, très fort. Intermarché vous propose d'écouter un prix coûtant. Mais pourquoi tu veux qu'on aille faire les courses avec deux voitures ? T'inquiète. Dès demain et jusqu'à samedi seulement, le carburant est à prix coûtant chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Liste des magasins participants sur intermarché.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Kia Bi, le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est de profiter encore des soldes comme nulle part ailleurs. Aujourd'hui, c'est la nouvelle démarque des soldes chez Kia Bi. Jusqu'à moins 70% sur toute la mode et toutes les tendances. Jusqu'à moins 70%, il est grand temps de se faire plaisir. Les soldes par Kia Bi jusqu'au 7 août. Kia Bi, le bonheur vous va si bien. Sur article signalé, date selon décret, conditions, magasin et kiabi.com. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Nous sommes jeudi 5 juillet, les 9h59. Nous revenons donc sur tous les cas pour savoir ce qu'il nous reste à faire. Cas numéro 1, s'il vous plaît, Céline. Alors, Joël est parti en vacances avec sa famille en Grèce. Ils ont réservé une voiture de location avec une assurance. La voiture a été vandalisée. Depuis, impossible de se faire rembourser. Nous avons appelé Maître Felono, l'agence, qui nous dit effectivement, je me dois de défendre mon client. J'ai d'ailleurs demandé des factures, mais si vous pouviez nous aider vous-même en appelant avis, ça serait mieux. Oui, ce serait mieux, effectivement. C'est ce que l'on fait, mais on ne devrait pas le faire. Cela dit, elle est dans une impasse. Ce que je trouve absolument incompréhensible, c'est qu'on a un contrat en français souscrit par la compagnie d'assurance qui couvre tout toute Avis Grèce ou France et que ces clauses françaises, soi-disant, ne s'appliqueraient pas. Moi, je voudrais quand même avoir la compagnie aussi à un moment ou à un autre. Où en est-on, s'il vous plaît, Bernard ? Logiquement, j'ai un superviseur qui devrait nous rappeler dans une trentaine de minutes, Julien, qui va étudier ou réétudier le dossier. D'accord. D'ici là, mouchez-vous parce que dans deux minutes, je suis malade, vous ne pas parler comme ça. Deuxième cas. Eh bien, c'est Maïva. Elle a 19 ans. Elle a travaillé pour un événement sportif. Depuis, elle attend d'être payée de plus de 850 euros et elle n'a pas non plus ses papiers de fin de contrat. Hervé Pouchol, nous avons appelé. Plein de numéros, ça ne répondait pas. Eh bien, je suis sur une piste. C'est pas vrai. Vous en saurez plus tout à l'heure après le flash. Il est donc en train de faire du ski. On va le retrouver dans quelques instants, si vous le voulez bien. Vous n'hésitez pas, vous nous appelez en direct, car RTL est toujours là pour ses auditeurs. Merci d'écouter la première radio de France. Chez Toussalon, c'est le moment de personnaliser votre salon selon vos envies. Rendez-vous vite dans vos magasins Toussalon ou sur toussalon.fr et profitez de soldes exceptionnels. Toussalon, reposez-vous sur un grand nom. Marie-Cécile, arrêtez de compter vos colliers, vous voyez bien qu'Alexandre va parler. Il est 10h. Alexandre de Saint-Aignan pour l'information. Bonjour Alexandre. Bonjour Julien, bonjour à tous. Quelques 140 000 foyers toujours privés d'électricité ce matin dans le sud-ouest du pays, annonce Enedis. Au lendemain des violents orages et des chutes de grêle qui se sont abattues, notamment sur la Dordogne. Les intempéries ont également fait un mort en Corrèze, un cycliste de 64 ans tué par la chute d'un arbre. D'importants dégâts matériels à signaler en Charente. Les vents ont soufflé jusqu'à près de 100 km/h. 800 maisons ont été touchées, notamment dans le village de Saint-Sornin. Les orages ont également perturbé la circulation des trains à Bordeaux ou à Limoges. En particulier, la situation devrait revenir à la normale d'ici la mi-journée. La nuit a encore été très chaude hier soir à Nantes. Nouvelles violences urbaines qui ont conduit à l'interpellation de 11 personnes. Garde à vue toujours en cours, déclare à l'instant le Premier ministre Édouard Philippe aux côtés de la maire de Nantes. Il indique que la présence des forces de l'ordre sera renforcée sur la métropole dans les semaines, les mois et les années à venir. Édouard Philippe qui condamne fermement les violences. Plusieurs départs d'incendie dans les quartiers sensibles de Breil, Bellevue, Dervalière et Malakoff. Quelques affrontements hier soir. Des bâtiments publics ont été dégradés, des commerces incendiés. Deuxième nuit de violence après la mort d'un jeune homme tué par la police lors d'un contrôle routier. Une volte-face inattendue qui sème le doute dans l'affaire Daval. L'avocat de la famille d'Alexia était l'invité d'RTL ce matin. Il n'a jamais exclu la possibilité d'un complice, mais certainement pas dans la famille de la victime, a déclaré Maître Florent. Le mari d'Alexia, Jonathan, affirme désormais qu'il ne l'a pas tué et accuse son beau-frère, évoquant un sordide pacte familial. C'est le comble de l'horreur qu'on les accuse d'y avoir participé, a fustigé Maître Florent tout à l'heure. Les impôts prélevés à la source à partir du 1er janvier prochain pour tout le monde. Non, RTL vous l'a révélé ce matin. Si vous travaillez pour un particulier, un emploi à domicile, nounou, jardinier, employé de ménage ou de repassage, vous faites partie du million de personnes qui ne payera pas tout simplement d'impôts en 2019. Mais ne rêvez pas, puisqu'en 2020, double peine, on vous réclamera les impôts sur 2019 et 2020, des montants assez minimes selon Bercy, qui considère la mesure comme un geste de simplification. La Bourse de Paris ouvre à l'équilibre ce matin avant de prendre un peu de hauteur, plus 0,69% actuellement. Le CAC 40 autour des 5357 points. Le football, au grand désespoir des fans, deuxième journée de relâche à la Coupe du Monde en Russie. Encore un peu de patience, reprise des matchs demain avec les Bleus contre l'Uruguay en quart de finale. Ce sera à l'heure du goûter à 16h. Des orages encore aujourd'hui sur le nord-est, mais ils seront moins violents qu'hier. Météo France a levé sa vigilance orange sur l'ensemble des départements. Le temps va se dégager cet après-midi, même si ponctuellement les orages pourront lâcher une ondée, voire un coup de tonnerre. Il fera toujours beau en Méditerranée, en Corse, Nord-Pas-de-Calais et aussi sur les côtes de la Manche. Les températures pour cet après-midi, 20 degrés à Aurillac, il fera 22 à Cherbourg et à Tarbes, 25 à Paris, 25 également à Abbeville, 29 à Ajaccio et 30 degrés pour Nîmes. Les chevaux courent à Enghien cet après-midi pour le Quintet. Voici les pronostics de Bernard Glass. Il vous conseille de miser sur le 7, le 15, le 6, le 10, le 18, le 17, le 5, le 12 et la dernière minute. C'est le numéro 6, 20 de Loire. Il est 10h et bientôt 4 minutes sur RTL. Julien Courbet en direct jusqu'à 11h. Merci beaucoup. C'est avec grand plaisir, Alexandre, qu'on va vous retrouver tout à l'heure à 11h pour nous informer. Nous allons faire, mais alors très rapidement, un petit point sur ce qui s'est passé, comme on l'a fait juste avant les infos à 9h30. C'est parti. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Parce que certains arrivent à 10h, ils ont leurs petites habitudes, ils ont envie de savoir ce qui se passe. Donc, on a traité le cas de Joël. Joël est parti en vacances en Grèce avec toute sa famille. Ils ont pris une assurance l'assurance de location de voiture, l'assurance ne rembourse pas les 7000 euros demandés. Parce qu'en fait, ce qu'ils croyaient prendre en France, quand vous arrivez en Grèce, c'est pas traduit de la même façon. Et ça, c'est en tout cas un vrai conseil que l'on va donner. C'est pour ça qu'on attend d'avoir Avis pour qu'il nous explique si on peut faire confiance à un contrat et s'il s'applique dans tous les pays ou s'il faut à chaque fois avoir un traducteur quand on va dans un pays pour savoir si on se fait avoir ou pas. Le deuxième cas, c'est celui de Maëva. Elle a 19 ans, elle a travaillé pendant plusieurs semaines pour une entreprise, elle attend d'être payée de 850 euros. Blanche, on voit bien que là, il y a un problème avec cette société parce qu'on ne lui reproche rien, elle ne serait pas la seule à ne pas avoir été payée. Oui, et on invoque tous les prétextes, Julien par exemple, l'expert comptable est en retard, etc. Mais au moins, on aurait pu lui envoyer son chèque. Donc là, il faut passer la vitesse supérieure. Hervé, vous allez peut-être tenter ce que vous appelez, et qui a fait votre griffe, le coup du Père François. J'ai établi un contact avec la DRH. Oui, qu'on pourrait essayer d'avoir. Alors, elle m'a répondu par SMS. Quand vous voulez. Alors c'est parti. Quand il dit elle m'a répondu sur SMS et qu'elle a dû lui envoyer un truc du style, allez vous faire voir. Mais bon, il ne vous dit pas ce qu'il y a dans le texto. Il dit juste elle a répondu. Nous allons en savoir plus dans une seconde et nous allons tenter de l'appeler. Bernard Sabat, côté Avis, est-ce qu'on pourra avoir un interlocuteur? On attendait un superviseur. Exactement. Et pour l'instant, je n'ai pas de superviseur. Je cours de partout dans Paris en appelant les uns les autres pour avoir cette directrice commerciale de chez Avis. A tout de suite sur RTL. Ça bouge pour vous. Le grand quiz de l'été. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Quel plaisir de vous retrouver à partir du lundi 9 juillet pour le grand quiz de l'été sur RTL. Tous les matins, répondez à nos questions pour gagner 1000 euros et des séjours en famille au parc Astérix. Pour jouer, inscrivez-vous dès maintenant au 3210, 50 centimes la minute. Ou par SMS en envoyant RTL au 74 900. 75 centimes par SMS, 4 SMS maximum. Le grand quiz de l'été. Dès lundi à 9h15 sur RTL. À très vite. Chérie, j'ai craqué. Comment ça? Oh, j'ai pas résisté, j'ai acheté un pot de yaourt. Et alors? Bah, il était si mignon, si glamour. À ce prix-là, 8 990 euros. Comment ça, 8 990 euros? Attends, j'ai peur, là. Non, mais je te parle du pot de yaourt. Oh, génial, tu t'es offert ta Fiat 500. Oui. Depuis le temps que t'en rêvais. En juillet, fêtez l'anniversaire 500. Et craquez-vous aussi pour son charme. Fiat 500 est à partir de 8 990 euros seulement. Offre sous condition de reprise, prime à la conversion gouvernementale et bonus éco-Fiat déduit jusqu'au 31 juillet sur Fiat 500 Pop 1 litre 2. Détails sur fiat.fr. Fiat. Leclerc. Chérie, jeudi, vendredi et samedi chez Leclerc, 50% de réduction sur la lessive Super Croix. Mais non. Et si, parfum Bora Bora, Brésil, Japon et Maroc. Les 5, 6 et 7 juillet chez Leclerc, le lot de 2 bidons de lessive Super Croix de 2,15 litres variété au choix, avec 50% de réduction immédiate, est à 8,19 euros, soit 1,90 euros le litre. Voir modalité dans les magasins et drive participants et sur www.e.leclerc. Produits irritants, respectez les précautions d'emploi. 50% sur de la lessive Super Croix. Chez Leclerc et pendant 3 jours seulement. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Nous attaquons donc le cas numéro 3 en attendant. Ah ben non, c'est vrai qu'il y a cette alerte d'Hervé Pouchol, vous voyez. Oh. Je suis vraiment mauvaise langue. Tentons d'avoir donc la DRH de Maëva. Hervé a essayé d'établir un contact avec elle. Je ne vous garantis pas. Petit contact. C'est parti. Il n'y a pas eu beaucoup d'échanges. Allez-y. Sandrine, et elle m'a dit c'est qui? Écoutez Hervé, je voudrais vous rappeler que nous ne sommes pas dans un bistrot, mais bien sur une émission de radio sérieuse qui aide les deux. Donc si vous pouviez faire le numéro au lieu de faire « Oui, mais attention, un petit contact ». Ça sonne, Sandrine. C'est parti. On aurait dû appeler cette émission « Martini et cacahuètes ». Ah oui. Mais là, ça ne répond pas. Enfin, nous avons déjà de la chance, Hervé Pouchol a encore du forfait. Car c'est avec son téléphone et souvent nous avons une visite dans le studio. Vous savez vous prendre des photos? Non, je suis lui ici. Le répondeur de votre correspondant contient trop de messages. C'est pas bon signe. Alors ça, c'est très mauvais signe. Non mais, on plaisante, mais c'est très mauvais signe, vous voyez. Je vais donc sortir le porte-voix et nous verrons si le grand événement sportif qui n'a rien à voir, rien à voir avec cette histoire, peut nous aider. Mais eux, ils n'ont fait que passer, ils sont passés par une société. Donc nous essayons de joindre la société Clean Event. Clean Event France. Nous essayons d'avoir Sandrine Cochet. Sandrine Cochet ou Thomas Gronager, qui est le gérant. Si vous les connaissez, merci de les prévenir. Si vous êtes vous-même à l'écoute, Thomas Gronager ou Sandrine Cochet, merci de rappeler RTL, car visiblement, vous avez envoyé des jeunes filles travailler à Roland-Garros et elles n'ont pas été payées. Alors Clean Event, vous êtes pour qu'il n'y ait pas de confusion avec d'autres Clean Event, boulevard d'Auteuil, je crois à Boulogne-Billancourt, ou alors il y a une adresse de siège, 20 rue Le Sueur à Paris dans le 16e. Alors, avant d'appeler Roland-Garros, parce qu'eux-mêmes ne pourront rien faire, mais peuvent aussi leur dire, attendez, nous on vous fait travailler, si vous ne payez pas les jeunes, on ne vous reprendra plus, et c'est peut-être un moyen de faire en sorte qu'elles soient payées. Sinon, qu'est-ce qu'elles font là? C'est du prud'homme? Ah, alors, il y a deux solutions, effectivement, vous pouvez saisir le prud'homme en référé, il y a une procédure qui est rapide, et vous pouvez demander le paiement et les documents administratifs sous astreinte, Julien, et aussi, vous pouvez, même, c'est plus simple, vous pouvez faire un courrier au président du tribunal de commerce. Il y a une procédure d'alerte. D'accord. Et là, il peut convoquer immédiatement le dirigeant qui, s'il ne vient pas, peut être mis en liquidation judiciaire. Maître Fellonneau. Oui, moi, je suis désolée, mais le client principal, comme vous savez, on a des jurisprudences quand on fait des travaux chez soi et que l'entreprise emploie des gens au noir, par exemple. Vous pouvez être déclaré responsable et avoir des comptes à rendre à l'URSSAF. On ne sait jamais, peut-être que là, ils ne sont même pas déclarés. Bon. Donc, effectivement, cet événementiel peut être intéressé par et impliqué. Essayez d'appeler la fédération, voir si quelqu'un veut bien nous parler, expliquer. Ils ne sont pas au courant de toute façon et nous allons voir comment nous pouvons avancer. Sinon, ça va se solder par un duplex. Mais là, je pense que mon appel va peut-être faire comprendre à ces gens-là qu'il y a, c'est pas une somme énorme, pour elle oui, pour eux non, voilà. Et que quand on fait travailler quelqu'un, qu'on fait changer de boulot en plus, un coup c'est du nettoyage, un coup c'est de l'administratif, il y a tellement de choses bizarres dans ce dossier que leur intérêt est quand même de le régler avant qu'il se retrouve au prud'homme, où là, le monsieur des prud'hommes sera beaucoup moins sympa que nous, à mon avis. Troisième cas dans une seconde, Céline. Eh bien c'est Lucas, souvenez-vous, il est déjà passé dans l'émission, il a fait des études d'informatique en alternance, son école a été payée deux fois. Elle par est trop jeune. Et par elle est trop jeune, Céline, elle ne sait pas pourquoi j'ai fait. J'ai pas compris, excusez-moi. Alors, je vais vous expliquer, c'est normal, c'est une nouvelle génération qui n'a pas connu les enquêtes du commissaire Maigret à la télé. Oui. Donc il y avait Maigret, c'était Jean Richard qui jouait le rôle de Maigret, il avait un assistant. Cirque, exactement. Et qui avait un assistant qui s'appelait Lucas, et souvent, alors il parlait toujours avec une pipe, Jean Richard Maigret, et il parlait comme ça. Lucas, arrêtez vos sarcasmes. Allez plutôt nous chercher des sandwichs, des bières. Et à chaque fois, Lucas, son boulot dans les enquêtes, c'était d'aller chercher les sandwichs et les bières. Ah, quelle anecdote. Là, son boulot, a priori, c'est de récupérer les 8000 euros quand même. Effectivement. C'est autre chose. Dans une seconde, nous allons essayer de régler ce cas. Nous allons donc maintenant rentrer dans le vif du sujet avec le Temple du Rock, 1979. Peut-être l'un des plus grands tubes rock de l'histoire de la musique. Marcel Amont. Le chapeau de Mireille, tout de suite sur RTL. Don't need rhyme. ACDC, Highway to Hell sur RTL. J'avais un bon plan à vous donner, vous qui êtes peut-être chez vous le 14 juillet au soir. Sur la chaîne numéro 23, il y aura un documentaire exceptionnel qui vous montrera tous les préparatifs dans les coulisses du 14 juillet, comment cinq équipes de militaires se sont préparées, se sont entraînées, comment tout le matériel arrive. Vous rentrez vraiment dans les coulisses du 14 juillet, c'est super. C'est le 14 juillet au soir sur numéro 23. Il y a une alerte à l'instant, c'est sur le cas de Maëva qui n'a pas été payée. Allô, bonjour. Sandrine Cochet. Allô, Sandrine. Elle a raccroché, mais je pense qu'elle a compris qu'il se passait quelque chose. Donc, alors, refaites-le. Merci pour cette alerte, mon cher Hervé. La stratégie, c'est moi qui n'ai pas eu la bonne idée. Vous auriez dû lui parler un petit peu plus longtemps. J'ai commencé à lui parler. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Rien. Ah oui, rien. Donc, vous me l'avez donc passé. On forme vraiment une belle équipe. Et je rappelle que les résultats d'audience sont inversement proportionnels au professionnalisme que nous mettons dans cette émission. Bon, en tout cas, Sandrine Cochet, merci de nous rappeler. Thomas Gronager, il faut que Maëva soit payée. C'est la moindre des choses, il n'y a rien à lui reprocher. Nous allons dans une seconde avoir le cas de Lucas. Rappelez-nous ce qui arrive à Lucas. Eh bien, Lucas a fait des études dans une école en alternance. Et donc, l'école a été payée deux fois par Lucas et par son employeur. Il attend d'être réglé de 8000 euros. Une deuxième alerte, c'est avec vous, Bernard Sabat. Je pense que c'est sur le cas de la location de voitures. Exactement. On a fracturé, pris les affaires à l'intérieur. Il y en a pour près de 6000 euros et on lui dit non, comme vous l'avez signé en Grèce, on ne rembourse pas. Écoutez, ça avance bien. J'ai eu la direction du groupe Avis. Ils m'ont demandé quelques minutes. Ils vont appeler l'agence et vérifier tout ça. Je pense qu'on devrait avoir du nouveau avant 11h. Écoutez, avec le groupe Avis. Avis, oui, à la population. Où l'on mange là-bas de la feta salakis. Car nous sommes en Grèce. Exact. Chez Nikos. The Voice, mon loup. Attention, vous êtes sur RTL, nous sommes là pour vous aider, ça bouge de tous les côtés. RTL Mondial 2018. Demain sur RTL, vivez le match Uruguay-France, quart de finale de la Coupe du Monde. Embarquez avec nous dès 15h30 sur la première radio de France pour un étourdissant tour de grand 8. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et tous les Bleus défient la Céleste et sa défense de fer. Avec Bichente Lizarazu, partagez toutes les émotions de la Coupe du Monde en Russie et encouragez l'équipe de France. Le Club RTL Mondial 2018, présenté par Eric Silvestro, c'est demain à partir de 15h30 sur RTL. Chaque été, c'est la même chose. Je change de rythme, d'alimentation et mon transit se met au ralenti. J'ai trouvé ma solution naturelle avec fruits et fibres des laboratoires Ortis. Des figues et de la rhubarbe pour retrouver un transit régulier. À moi l'été en toute légèreté, avec fruits et fibres. Pour profiter de l'offre satisfait ou remboursée, rendez-vous jusqu'au 31 août en pharmacie et sur offrefruitsetfibres.fr. Pour votre santé, bougez plus. T'as vu les voisins ? Ils se sont achetés un Nissan Qashqai. Je sais, avec 4 caméras pour se garer. En attendant, ils ne sont pas prêts de partir en vacances. Mais si, ils partent demain. Nissan leur offre les 3 premiers loyers. Côté budget, ils sont tranquilles, hein. Puis ils vont encore nous demander d'arroser leurs plantes. Vous aussi, avant de partir en vacances, profitez des 3 mois de loyer offerts sur les crossovers Nissan Qashqai, Juke et X-Trail. Dépêchez-vous, c'est en ce moment seulement. Nissan, innovez autrement. Valable dans LLD 49 mois avec apport sur véhicule disponible avec délai de livraison si accordiaque jusqu'au 31 juillet. Détails sur Nissan.fr. Retour sur l'île, le nouveau suspense de Vivek Asten. Que diriez-vous de retourner sur l'île suédoise de Sandham ? Avant d'accepter, faites bien attention, car les inspecteurs Thomas Andreasson et Nora Linde doivent faire face à une vague de meurtres plus glaçante que tout ce que vous pouviez imaginer. Retour sur l'île, le nouveau Vivek Asten, quand le plus glaçant des suspens va mettre le feu à votre été. Un livre Albin Michel. Christopher, toujours en tête de la course. Mais que fait-il ? Il s'arrête dans un centre Best Drive. En ce moment, chez Best Drive, recevez jusqu'à 100 euros pour l'achat de pneus Continental. Conditions sur bestdrive.fr. C'est quoi le nom de cet arbre, papa ? C'est un frêne. Et là, juste à côté, c'est un saule. Et ces plantes qui flottent ? Ce sont des nymphéas. Ils vont bientôt fleurir, c'est la saison. Et là, sur le bord ? Ah là, c'est un vieux bidon en plastique vide, qui devait certainement contenir un détergent. On en trouve beaucoup par ici. Depuis plus de 20 ans, l'opération Nettoyons la Nature aide à protéger l'environnement. Mais il reste beaucoup à faire. Pour y participer, inscrivez-vous avant le 15 août sur nettoyonslanature.leclerc. Ensemble, protégeons notre environnement. Leclerc. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Allez, c'est parti, nous revenons sur le cas de Lucas. Lucas a fait une école d'informatique en alternance. Son employeur et lui-même ont payé l'école. Du coup, il attend d'être remboursé de 8000 euros puisque l'école a touché deux fois le paiement. Et nous avions donc, je crois, déjà pas mal appelé. Est-ce que Lucas est en ligne avec nous ? Bonjour Lucas. Bonjour Lucas. Donc Lucas, nous avons essayé d'avancer. Je donne la parole à Charlotte qui s'est occupée de votre dossier. Charlotte. Oui, alors rappelez-vous, on avait eu lors de l'émission précédente ce monsieur Alic Moyes qui est le dirigeant de Supinfo et qui promettait de régler le problème sous une semaine. On le réécoute. Puis on se parle la semaine prochaine. Ça sera réglé dans le courant de la semaine prochaine. Génial. Super. Voilà. Malheureusement, depuis, il n'a pas été réglé. Je l'ai rappelé, je lui ai laissé plusieurs messages. Il ne m'a pas rappelé. Lucas peut vous confirmer qu'il n'a toujours pas ses 8000 euros. Bon, vous me le confirmez, Lucas, vous n'avez rien touché ? Non, j'ai rien touché par rapport. Bon. C'est malheureusement cette école que l'on a eue plusieurs fois. Alors, il faut dire les choses comme elles sont. Moi, je reçois régulièrement sur mon compte Twitter des messages d'étudiants. Vous avez réglé un cas avec cette école, moi aussi. Puis c'est, vous avez une farandole comme ça de messages, mais pourtant à chaque fois ils l'ont réglé, c'est ça ? Je suis étonné, j'ai refait le calcul, on a fait 4 fois cette école, les 3 premières fois les cas ont été réglés, et cette fois-ci malheureusement j'ai l'impression qu'il y a un petit souci. Alors nous rappelons, je pense que c'est pour ça que nous sommes là ce matin, nous allons relancer cet appel, j'appelle l'école et je demande du coup la direction générale ? On est directement sur le numéro de téléphone du dirigeant. D'accord. Vous me redonnez son nom ? Monsieur Alic Moyes. Monsieur Alic Moyes. Donc, comme je vois qu'il y a un 0-0, c'est du côté de la Belgique ? C'est ça, exactement. Bruxelles. Donc, monsieur Alic Moyes ne répond pas. Vous allez donc... Je lui laisse un message. J'ai coupé, on le refait. Ah, non, ne refaites pas. Enfin, vous allez, on va demander à nos deux fins limiers d'essayer de nous trouver une solution pour avoir cette école Supinfo qui semble malheureusement avoir du mal à gérer tout ça. Beaucoup de gens se plaignent. Nous, c'est la 4e fois que nous les appelons. Et là, quand ils ont toujours résolu le problème. Ce qui me gêne, là, c'est que pour cette 4e, ils ont promis, ils ne le font pas. Peut-être que l'école a de grosses difficultés financières, je n'en sais rien. Vous m'appelez le campus de Paris, Supinfo, s'il vous plaît. Le temps de les avoir, peut-être que nous allons marquer une petite pause et puis nous referons un point info, car nous avons de la voiture de location, nous attendons des nouvelles. Nous avons également, je vois Hervé Pouchol qui parle, peut-être est-ce sur cette jeune fille qui n'a pas été payée. Nous avons JB un deuxième témoignage qui devrait arriver sur cette entreprise de nettoyage qui emploie des étudiantes et ne les paie pas. Tout à fait. On a cette personne qui va être disponible. On va l'appeler tout de suite et elle va nous expliquer ce qu'elle a pu voir. C'est assez édifiant. Ça va se passer dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Alors nous avons eu le temple du rock tout à l'heure avec AC/DC et vous allez voir que l'avantage avec RTL, c'est qu'on écoute absolument toutes les musiques. Et voici l'un des coups de cœur de la programmation, c'est ça. Oshi et ta marinière. On y va. Derrière ta cigarette, dans mon cœur, t'as fait un tabac. Je suis en quête du bonheur, peut-être qu'il est dans tes draps. T'as piraté mon âme alors que je surfais sur la vague. Et j'ai tout raté, je rame alors que je t'avais dans ma madrague. Enlève tes bas ou tes hauts, t'es si jolie, tu me rends dingue. Je rêve que tu viennes sur mon bateau, que toutes les nuits on fasse la bringue. À bâbord ou à tribord, on partira à la dérive. Je veux ton corps, mon trésor, je t'attends sur l'autre rive. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous de ces pires la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et hey, sur ta marinière, je cherche ta trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous de ces pires la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. L'océan nous emporte, mais je sais pas si t'es au courant que lorsque l'on passe ma porte, même si c'est la carte assez marrant, viens dans mon équipage, rattrape-moi sur la jetée. On fera sûrement naufrage, mais on aura au moins essayé. Donc si aujourd'hui je plonge dans l'amour en criant à l'abordage, c'est parce que je prolonge mon séjour quitte à revenir à la nage. Je vois bien que tu pètes un câble et que même tu ripostes. Alors fouille sur le sable ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous de ces pires la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. La marinière de Hochy sur RTL. Il va se passer des choses dans quelques instants car Hervé Pouchol est en train de discuter avec la DRH de cette société de nettoyage qui n'a pas payé, d'après ce que nous dit notre auditrice, qui n'a pas payé de jeunes étudiantes qui ont travaillé là-bas. On essaie aussi d'avoir une deuxième étudiante qui nous dira ce qu'elle a vu puisqu'elle n'a pas été payée, mais comme elle est dans le métro, là, pas possible de la joindre pour l'instant. Et vous savez ce que nous allons faire, et il y avait très longtemps qu'on avait envie de lancer ça, c'est tout simplement faire le point sur les dossiers que l'on a confiés à nos amis de demandezjustice.com. Je rappelle que demandezjustice.com est un site qui vous permet en ligne, quand vous avez un petit souci, vous leur écrivez, ils essaient de le gérer pour vous, il y a juste un timbre à payer je crois, ils font des relances et ça bouge. Alors nous allons avoir le patron, on l'appelle le patron dans le métier car c'est le meilleur, il s'appelle Jérémy Wanino. Bonjour Jérémy. Bonjour Julien. Comment allez-vous? Ah, ça va très bien. Une première question que se posent toutes les filles du studio. Êtes-vous toujours aussi beau ou est-ce que vous êtes un petit peu dégradé? On ne s'est pas vu depuis quelques temps. Ah non, ça s'améliore de jour en jour. Il est encore plus beau qu'avant les filles. Super. Alors Jérémy, merci à demandezjustice.com de nous aider. Nous allons revenir sur le cas d'Agnès Bertin. Écoutez ce que Agnès nous avait dit. Je suis furieuse. On a payé 2 644 € pour un séjour. On a fait confiance à l'agence de voyage qui choisit la compagnie. Et quand il y a du retard, cette agence de voyage nous dit que cette compagnie n'indemnise rien. Et pourquoi ne nous l'a-t-elle pas dit avant ? Elle était donc restée 8 heures dans l'aéroport à attendre son vol. La compagnie Nouvelle Air prétendait que comme elle était tunisienne, elle ne dépendait pas de la loi européenne. Bernard se demandait alors pourquoi l'agence de voyage, Voyage Privé, avait choisi ce type de compagnie. Jérémy, s'il vous plaît, où en est-on ? Alors, on a une bonne nouvelle sur le dossier puisque Agnès a gagné contre l'agence de voyage au tribunal d'instance, l'instance de Saint-Germain-en-Laye. Le tribunal d'instance a considéré que le voyagiste était le transporteur contractuel. Ça, c'est une notion très intéressante. Effectivement, c'était pas la compagnie aérienne, mais il était quand même solidaire avec le transporteur, la compagnie aérienne. Et Agnès a pu récupérer une indemnisation par rapport à son préjudice. Victoire de demandezjustice.com. Bravo Jérémy. Deuxième cas, celui de Frédéric Brinca, dont je rappelle l'histoire. Il avait acheté une voiture d'occasion. 4 500 € auprès d'un négociant. Il est tombé en panne le soir même. Depuis, il bataillait avec le vendeur, Eric Mala, qui voulait bien le rembourser, mais après avoir revendu le véhicule. Jérémy, où en est-on ? Alors ça, c'était un banal défaut de conformité, hein, c'est-à-dire que le bien n'était pas conforme au contrat qui avait été passé. Le vendeur le reconnaissait, le vendeur était d'accord pour dire effectivement le véhicule n'est pas conforme à ce que je vous ai vendu. Et en l'occurrence, il voulait attendre de le revendre pour rembourser Frédéric. Bon, mais ça n'a pas tenu bien longtemps. Là, la menace d'une procédure judiciaire via demander justice a suffi pour débloquer la situation. Et Frédéric a été remboursé en 2 fois, voilà, dans les semaines qui ont suivi l'émission. Deuxième victoire. Bravo, Jérémy. Troisième cas, le cas d'Éric, dont on réécoute le message. Il y a un an, j'ai acheté un véhicule pour mon fils et il est toujours en panne devant chez moi. Le professionnel à qui je l'ai acheté ne fait rien, même s'il me promet beaucoup. Et là, on perd patience. Éric avait acheté un véhicule et c'était urgent car il était pompier, il avait payé 3 000 €, et dès l'achat, le véhicule était tombé en panne. Le vendeur, LE Automobile BH Car à Saint-Denis-en-Val, n'avait finalement rien fait. Où en est-on, Jérémy ? Alors, c'est une affaire plus compliquée parce qu'on a affaire à un vendeur assez retors. Il a déclaré la voiture comme étant volée suite à la demande de remboursement de Frédéric. Non. Donc j'imagine pour entretenir la confusion autour de toute cette affaire. Le dossier a été transmis au tribunal d'instance via demander justice. Il y a eu une première audience en mars, un report qui a été demandé, et la seconde audience est prévue pour le 13 septembre. Donc on vous tiendra évidemment au courant. Jérémy. Mais ça avance. Merci. Non, c'est ce que j'allais dire. Le 14 septembre, j'aimerais beaucoup que vous soyez sur l'antenne d'RTL. Si ce monsieur de LE Automobile BH Car à Saint-Denis-en-Val veut nous rappeler pour donner sa version des faits, il sera bien sûr le bienvenu. Écoutez, Jérémy, c'est formidable. C'est des très bonnes nouvelles pour les auditeurs d'RTL. Bravo et encore bravo à demandezjustice.com. Bon été, Jérémy. On se retrouve en octobre pour refaire un petit point. Très bien, parfait, avec grand plaisir. Merci Jérémy et bravo à vous et à vos équipes. Merci beaucoup. À tout de suite sur l'antenne d'RTL. Au revoir Jérémy. J'ai vu qu'Hervé sorti, il continue de discuter pour Maeva. Ça se passe pas bien du tout. Le ton monte. Je peux pas vous en dire plus, mais c'est pour ça qu'on lui a permis de sortir de votre studio parce que les mots étaient quand même assez crus. Ah bon ? Ah oui, là, je pense que pour Hervé, on lui a manqué de respect et j'ai entendu certaines phrases. Un mot, dites-moi juste. Tu n'es pas gentil. Mais franchement, c'est pas ce qu'on lui a dit. Non, je peux pas le dire. Je ne peux pas le dire sur RTL. À la bonne heure mène l'enquête. Avec Stéphane Bern. Cherché du côté de chez nous ce matin à 11h. Laurent Lafitte est l'invité de la bonne heure pour son rôle dans Paul Sanchez est revenu au cinéma le 18 juillet. Je suis Sanchez. Difficile de l'oublier après avoir vu ce thriller haletant. À la bonne heure. À tout à l'heure 11h avec Laurent Lafitte. Lidl, partenaire de l'équipe Quick Step pour les produits frais. Allô patron ? Oh là, je crains le pire. Bah désolé, mais vous allez voir rouge patron, hein. Parce que demain et après-demain chez Lidl, ils font la caissette d'un kilo de tomates cerises allongées à 4,49€. 4,49€ le kilo de tomates cerises allongées ? Tu me mènes en bateau là ? Non, en caissette d'un kilo patron. Et origine France, hein ? Eh ben on est très mal. On est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 4,99€ le kilo, catégorie 1, origine France. Bon, ben, c'est ma femme qui m'avait dit chez Opel, ils reprennent tout ce qui roule 4,300€ pour l'achat d'une Opel Corsa. Bon, je lui ai dit, t'as mal compris. Elle m'a dit si. J'ai dit non. J'ai dit 4,300€ contre un truc qui roule, c'est pas possible. Elle m'a dit si. J'ai dit non. Du coup, l'offre, elle est passée. Et en fait, c'est ma femme qui avait raison. Depuis, avec Mamour, c'est tendu. C'est pourtant vrai. Pendant les German Days, journée allemande jusqu'au 13 juillet, Opel vous reprend tout ce qui roule 4,300€ minimum pour l'achat d'une Corsa neuve en stock. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. Cette année encore, le Marrakech du Rire est sur M6. Pour sa 8e édition, Jamel Debbouze a invité une pléiade d'artistes. Kev Adams, Jeff Panaclock, Malik Bentala ou encore Camille Lelouch, Ahmed Silla et Anne Roumanoff. Toute la famille du Rire vous réserve des sketchs inédits et des surprises exceptionnelles. Inédit, le Marrakech du Rire présenté par Jamel Debbouze, c'est ce soir à 21h sur M6. Maman, c'est quoi tout ce thon ? Ah oui, je sais. Ton père a fait le plein de thon petit navire chez Leclerc. De l'eau de 3 boîtes achetées, un lot offert. Ouais, ok. Et c'est un produit partenaire du grand jeu de la Ligue des supporters. 2 produits partenaires achetés, une carte à gratter pour tenter de gagner des bons d'achat de 5 euros. Du 3 au 14 juillet chez Leclerc, pour l'achat de 2 lots de 3 boîtes de thon entier au naturel petit navire de 140 grammes chacune, le troisième est offert. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Moi, je vais me faire une petite salade de thon, moi. Pour votre santé, bougez plus. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h sur RTL. Nous refaisons donc un point sur l'histoire de Maëva. Maëva a travaillé pour une société. Elle attend d'être payée de plus de 850€. Il y aurait une deuxième personne qui pourrait nous dire la même chose que nous allons essayer d'avoir dans quelques instants. Voyez Charlotte si vous pouvez la joindre, mais elle était dans le métro tout à l'heure. Oui, elle est toujours dans le métro malheureusement, mais dans 5 minutes ça devrait être bon. Bon, alors, vous, Hervé, vous avez pu parler avec la DRH et visiblement ça s'est pas bien passé du tout. Non. Elle était extrêmement violente dans ses propos, cette dame. Elle ne veut pas parler antenne. C'est son droit. Elle m'a quand même envoyé un texto. Alors en fait, Maëva, la bonne nouvelle, c'est que Maëva va être payée parce que la paye est partie aujourd'hui. Ah, bon, j'ai pas la preuve. Mais en revanche, je vais vous lire quand même le texto qu'elle m'a envoyé qui résume la conversation que j'ai eue avec cette dame qui n'est pas très bienveillante. L'expert comptable a eu un retard dû aux erreurs de Maëva qui devait compter les heures pointées des cleaners. Elle a travaillé quelques heures au bureau et son job consistait à noter les heures dans un tableau Excel. Son travail a été tellement pitoyable que notre expert comptable a dû recommencer toutes les payes. Sa fiche de paye est en sa possession et le règlement en cours sous 8 jours. Mais je trouve sa plainte comique. Alors, elle trouve sa plainte comique, donc c'est dommage qu'elle ne veuille pas nous parler. Nous lui aurions poser plusieurs questions. Nous aurions demandé, c'est Madame Cochet que vous aviez. Voilà. Nous aurions demandé à Sandrine Cochet, déjà, elle l'a engagée pour faire du nettoyage. Elle n'a pas demandé à venir faire de l'administratif et des tableaux Excel. Donc si elle pense que ça a été mal fait, c'est pas sa faute à Maëva, c'est celle de Madame Cochet, puisqu'au départ, Sandrine, Maëva, qu'est-ce que vous faisiez comme boulot au tout début ? Agent de nettoyage. Voilà, donc on lui demande ça, elle sait faire, elle est étudiante, et puis tout d'un coup, on lui dit, tiens, tu vas remplacer quelqu'un, c'est pas forcément le même salaire d'ailleurs, faire des tableaux Excel et de faire en le plus, nettoyage, donc j'ai pas l'impression qu'il y a eu un changement de contrat, elle vous l'a dit ? Elle m'a dit que c'était Maëva qui a voulu changer de poste. Très bien, mais elle a bien sûr un mail à nous montrer, etc. Maëva, vous nous confirmez cette version ? Non, moi, et d'ailleurs, il y a 2 étudiantes qui ont travaillé avec moi, oui. Donc elle nous a bien dit qu'on s'était trompé, etc., sauf que les deux autres étudiantes, elles, ont été payées. D'accord. Donc, alors, on verra, on les aura tout à l'heure. Et puis, de toute façon, si un employé se trompe, on ne le paie pas ? Non, mais je n'ai jamais vu ça de ma vie. On lui fait une réunion, on le convoque, on peut lui mettre un avertissement, on peut faire une procédure de licenciement, on peut faire des tas de choses. On peut changer de poste, évidemment. On peut le remettre à son poste initial. Donc, c'est la première chose. Que va nous dire, effectivement, alors, parce qu'on l'a, la jeune fille ? Ça y est, elle est là, il s'agit de Mathilde, elle est à l'antenne. Alors, je ne sais pas si Madame Cochet de chez Clean Event écoute. Bah, j'espère. Voilà, quel est votre prénom, mademoiselle ? Oui, bonjour, je m'appelle Mathilde. Mathilde, expliquez-moi, vous, ce que vous avez vu et les problèmes que vous auriez pu avoir avec Clean Event. Alors, il y a eu plein de problèmes au sein de Clinovent. Alors déjà, pour la signature des contrats, moi, ils m'ont fait signer mon contrat au bout de 2 semaines. Alors, top, parce que comme on vous entend mal, je répète au fur et à mesure, je fais la traduction pour les auditeurs, ils vous ont fait travailler et vous n'avez signé un contrat qu'au bout de 2 semaines. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra demander à Madame Cochet. Contraire à la loi. Ensuite. Voilà. Ensuite, ils ont fait travailler des gens sans papier. Ils ont fait... Alors, c'est attention, on est en direct... C'est très grave. Ah ben non, mais c'est, oui. Vous avez le droit de le dire, ah, si oui. Vous en avez la preuve. Ce que je dois dire, moi, en tant qu'animateur en direct, c'est que je n'ai aucune preuve de ce que vous avancez. Je vous laisse donc la responsabilité. Donc, si vous n'en êtes pas sûr, retirez-le. Parce que qu'est-ce qui vous laisse croire qu'ils ont travaillé sans papier? Alors, en fait, c'est moi qui faisais pointer les gens quand ils arrivaient le matin. Oui. Et donc, il y a des gens qui présentaient leurs papiers. C'était pas eux sur la photo. Donc, effectivement, après, je leur disais, mais monsieur, c'est pas vous sur votre carte. Ils me disaient, mais si. Et après, ma responsable était très au courant du fait qu'ils travaillaient sans papier. C'est dommage parce que Madame Cochet aurait pu répondre là-dessus et vous vous rendez compte qu'on parle de Roland-Garros, mesdames et messieurs. Donc si les gens de Roland-Garros apprennent ça, enfin je suis pas certain que ça va leur faire plaisir. Ensuite, y a-t-il autre chose? Quoique, c'est déjà bien là, hein, je vais vous dire. Oui, mais il y a plein d'autres choses. Il y a d'autres choses, bon allons-y alors. Insulte du personnel, insulte des employés. Quoi d'autre? Mauvaise condition de travail, les gens travaillaient sans masque, sans gants. Donc moi, j'ai connu une fille là-bas qui a été malade parce qu'elle était tout le temps en contact avec les produits toxiques. D'accord. Ils ne connaissaient pas de protection. Écoutez, je crois qu'on va vraiment donner la possibilité à Madame Cochet, Sandrine et à la société Clinivent de nous dire que tout ce que vous dites là est faux. S'ils veulent intervenir sur l'antenne et tout démonter point par point, ça sera avec plaisir, ils sont prioritaires. Car les accusations, vous l'avez entendu, de cette jeune fille sont graves, mais on a cherché à joindre, vous l'avez entendu, cette personne, nous l'avons appelée en direct, elle m'a raccroché au nez, Hervé a passé 10 minutes avec elle, il y a des textos, donc si elle veut parler et dire tout ceci est faux, elle peut le faire. Si elle ne le souhaite pas le faire, malheureusement, on ne pourra pas dire le contraire. Vous avez été payé, vous ? Alors, moi, j'ai été payé en temps et en heure, sauf qu'il me manquait 80 euros. D'accord. Bon. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir appelés. C'est très, très gentil. Je vous souhaite un bel été. Bon, Maëva, on en sait un petit peu plus. Donc, Maëva, ce qu'on va se dire, c'est que si vous n'avez pas, votre paiement là dans les jours qui viennent, vous allez rester en contact avec notre journaliste JB. Et bien sûr, nous reprenons ça immédiatement. JB. Oui, Julien, pour vous dire que j'ai eu aussi un autre ex-employé en ligne et lui aussi m'a fait part des mêmes problèmes. Il m'a aussi expliqué qu'il y avait vraiment des gros problèmes d'hygiène, des masques, des gants qui n'étaient pas mis alors qu'il fallait les mettre. Et il m'a aussi expliqué que des personnes travaillaient 16 heures d'affilée sans pause, 7 jours sur 7. Voilà, tout ça, c'était pointé. Voilà, donc c'est pour ça que, pardon, encore une fois, oui, je m'étouffe par tout ce que j'entends, que nos amis de Clinivent, ils ont peut-être intérêt, à mon avis, à essayer de vite régler le problème avec Maëva. Dans quelques instants, qu'allons-nous faire revenir sur... Oh là là. Énorme pipeline, mais auparavant... chez nos amis Davis, rappelez-nous le cas Davis, s'il vous plaît, la voiture. Eh bien, c'est notre ami Joël qui est parti en vacances en Grèce. Il a réservé une voiture de location avec une assurance. La voiture s'est fait vandaliser et depuis, il n'arrive pas à se faire rembourser. Alors, ce superviseur. Alors, écoutez, mieux, j'ai eu carrément la direction qui a pris tous les éléments, qui se rapproche de l'agence de voyage que vous avez eue tout à l'heure, Sabrina, et qui se rapproche du réseau Selectour pour trouver une issue favorable à notre auditeur. J'espère, on a envie que... on a dit que si... Mon arrivée à résoudre le cas, on danserait le Saint-Aki dans le studio, la Pérono, la Grovillée, pour peut-être se déshabiller avec la balle photo, et on va se régaler si ça se trouve. Oh, arrêtez, hein. Mais pourquoi faut-il toujours que ça tourne à des trucs comme ça? Ah, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Une simple danse, tout ça. Quelle créativité. Vous ne savez pas vous arrêter. J'ai vraiment honte pour vous. Dans une seconde, le péplum de l'année. Eh oui, c'est le cas d'AlphaDio, une histoire qui date depuis 2 ans. AlphaDio a payé plus de 2000 euros à un transporteur pour envoyer sa voiture en Afrique. Il a dû allonger la monnaie de 1723 euros suite à une négligence du transporteur. Et depuis, évidemment, impossible de se faire rembourser. Et merci à Alain Hazard, notre rédacteur en chef, qui vient de m'emmener, comme il a entendu que j'avais un petit chat dans la gorge. Il est verre d'eau, mais je n'ai aucune confiance en lui. Tu vous allez en boire d'abord. Allez-y, sinon je ne le prendrai pas. Allez-y, buvez d'abord. Voilà. Le problème, c'est que maintenant que vous avez bu, j'ai pas envie de boire dedans. Hein. Alors, on cherche un autre. À tout de suite. Quelle équipe! Les cerises sont en pleine confiance cette saison. Le clafoutis de cerises a été élu recette du dernier match et l'équipe possède d'autres talents comme la cerise nature qui fait son entrée sur le terrain. Et c'est la saison. Avec les cerises, partageons les plaisirs.